ses regards, je ne vois rien, rien que du feu et de la peur. À la mémoire de tant de nuits qui ont fait de nous ma lueur. Ne tremble pas, prends ma main, je ne suis rien sans ta chaleur. J'appelle à l'aide quand tu es loin, je me relève de ta douleur. Années si difficiles qui ont fait de nous ma transparence. Ne t'accroche pas à si peu de choses qui tournent en rond en quête de sens. J'appelle à l'aide.